Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les gens bien. J'crois que t'as serré, tu respectes plus les anciens. N'oublie pas ce que t'es là quand t'étais en chien. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les gens bien. J'crois que t'as serré, tu respectes plus les anciens. N'oublie pas ce que t'es là quand t'étais en chien. Tu parles en traître, Balek, tu baisses les yeux quand je passe. Tu me cherches, t'es fou toi, tu cherches le coup de taser. Et vas-y, laisse-moi, je pleure seul, je suis trop touché. Y'a même plus d'espoir, j'y repense quand je vais me coucher. Fais pas le mec plein, t'es en galère pour toucher. Tu parles comme si t'étais au top, comme si t'avais tout fait. Et le temps passe, le game je l'ai carabiné. Je vois les petits à la recherche de leur en Clio abîmé. Si je te frappe pas, c'est que je t'apprécie. Quand je fume la beuh, j'ai mon cœur qui se rétrécit. T'es plein de on m'a fait si, du tout pour les mains ça. Putain, c'est que t'es vraiment une salope si t'as fait ça. Je lance un message à ceux qui me laissent des coms. À ceux qui ont galéré dans le bloc avant du com. Wesh, alors c'est comment? Tu veux me tester common? Calibre dans la commode, pétard au volant, la main sur le pommeau. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les gens bien. J'crois que t'as serré, tu respectes plus les anciens. N'oublie pas ce qu'était là quand t'étais en chien. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les gens bien. J'crois que t'as serré, tu respectes plus les anciens. N'oublie pas ce qu'était là quand t'étais en chien. J'parle même pas avec l'ennemi de mon ennemi. J'ai mis le cap vers mes rêves, j'veux voir la belle vie et rouler un benga. Quand y'a un bruit, t'entends crier et benga. J'suis dingue, j'veux les billets, j'suis pas unique, moi j'suis comme plein de gars. C'est pour les frères dans l'illicite, à la pointa. Tu fais le mytho quand tu dis que tu cabres jusqu'à Senga. J'crois que t'es cinglé, pour un rien, tu sors les mzinga. J'suis pas un voyou, moi l'équipe, j'fais juste de la musique. Un big up aux potes en tol qui me font des vidéos. Ils me disent Jules, nique tout, dès qu'on sort, on va tout piller gros. Tu fais le grossiste, mais t'as jamais vu sans plaque. Tu fais le mec terre-terre, mais t'as peur de rouler sans plaque. Sans casque, on s'en passe de tes insultes et on se bastonne. Tu me verras avec un sourire le jour où j'ourine Aston. Hein? J'ai vu la mise que t'es pas conne. Tu veux des pigeons qui passent des heures à t'attendre. Mais t'as serré à ce qui paraît, tu penses sur moi. Mais seul à seul, je te nique, je suis sûr de moi. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les gens bien. J'crois que t'as serré, tu respectes plus les anciens. N'oublie pas ce qu'était là quand t'étais en chien. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les gens bien. J'crois que t'as serré, tu respectes plus les anciens. N'oublie pas ce qu'était là quand t'étais en chien. N'oublie pas ce qu'était là quand t'étais en chien.